Tous ces mecs de la rue, les filles plein les yeux, ces hommes sur le pavé que je croise du regard, tous ces gens un peu fous que je ne connais pas et qui traînent l'habitude dans un train de banlieue. Et puis la solitude au coin du boulevard, cette lumière en moi que tu ne peux pas voir. Tout cela me fait peur et je ne comprends plus, quand c'est toi qui réponds à ce bruit de la rue. Et je lis la réplique sur les murs du métro, quand je vais retrouver une fille dans la nuit. Je ne reconnais rien, mais j'entends un saxo qui s'ennuie dans mon cœur, qui s'ennuie sur la ville. Je me retrouve errant au milieu du trottoir, des boîtes et des machines de téléphone public. Les filles standardisées, le reflet des vitrines, les prisonniers foutus qu'on emmène au parloir. Tous ces mecs de la rue, des filles plein les yeux, et qui traînent l'habitude dans un train de banlieue. Tout cela me fait peur et je ne comprends plus, quand c'est toi qui réponds à ces bruits de la rue. Quand c'est toi qui réponds à ces bruits de la rue.